Puis j'ai commencé à parler des ânes. C'était drôle, moi, de parler des ânes. Puis ça sortait, ça sortait, ça sortait. Puis, tout d'un coup, après la conversation, j'ai découvert quelque chose. J'étais vraiment exubérant, tu sais, l'intellect, l'ego. J'étais vraiment exubérant. Puis effectivement, j'avais parlé de ces affaires. Mais, j'étais pas conscient. J'étais en préparation, fait qu'ils ont dû me faire passer une énergie, tu sais, bien vite. Mais ça a donné un choc à mon ego, tellement grand, que mon ego est devenu extrême. Tu sais, comme un scientiste qui découvre quelque chose. C'était une expérience qui m'a marqué. Puis aujourd'hui, là, vraiment, c'est facile de faire la connexion. Mais dans ce temps-là, quand tu ne sais pas ça, tu commences à parler des mystères. C'est que ça te donne le monde, c'est là que l'ego. Ça te surprend l'ego. C'est comme avec l'ego, comment il réagit. Parce que on a accès aux mystères. Des fois, ils nous font passer une petite affaire. C'est une intuition, ma femme. Je te jure que ça nous élève le coco. Bon, je me pense intelligent. Mais quand on est dans la science philosophique comme vous autres, c'est plus facile, parce que vous êtes déjà là-dedans. Parce que quand t'es pas là-dedans en tout, tu commences à rentrer là-dedans, tu te coupes pendant une demi-heure. C'est très drôle, j'ai dit. Je pense pas à être gratuit. Non, j'ai pas dit ma blonde quand ils m'ont contacté. Quand ils m'ont contacté, c'était ma blonde, ça. Quand ils m'ont contacté, je suis tellement gros. Tu t'en vas dans un, je suis petit dans un. Quand je suis revenu d'aveugle, je pensais qu'elle était ma tante, j'avais un beau nien. C'était fait un autre job. Elle sait pas. Mais c'était comique. Je l'ai répété le mari. Ils m'ont coupé les bois d'héros. Maman. J'ai encore une délibération. Quand tu prends des formes, quand tu fais l'ego vide, l'ego n'a pas de force, mais ce qui vient un tel moment donné que plus tu te conscientises, plus l'ego le prend facilement. Oui, puis éventuellement, l'ego aime ça. Ouais, c'est ça. Il prend même un certain plaisir. Ouais. Oh, je suis content que tu demandes ça parce que m'a dit une chose. Une fois que l'ego a passé son ingestion, l'ego aime ça, briser les formes, c'est pourquoi? Parce qu'il apprend. C'est sûr. La seule façon d'apprendre quelque chose, c'est en détruisant des pas. C'est ça, des fois, je dis, oh, c'est intéressant ça. Je viens de détruire une forme ou je vais en détruire une. Là, j'aime ça. Parce que j'apprends quelque chose. Si tu détruis pas de forme, t'apprends rien parce que tout est derrière la forme. Le réel est derrière la forme. Il n'y a rien dans la forme. Absolument rien. Matériel, spirituel, il n'y a rien. Tout est derrière ça. Fait qu'il faut que tu détruises. Ah, l'ego, au début, il y a une résistance, c'est normal. Puis éventuellement, quand il se conscientise, puis qu'il commence lui-même à briser des formes, parce qu'un jour, vous en avez pété des formes, vous autres, vous allez vers vous, vous allez dire, maintenant, vous dites, ben oui, c'est ça. À ce moment-là, vous autres, L'ego est conscient de son rapport avec l'intelligence universelle. Fait que là, c'est content. Il chiale plus parce qu'il apprend. Fait que moi, aujourd'hui, briser des formes, vous en pété, tu sais, j'en pète. Puis c'est fun parce que j'apprends des choses, sans ça, on n'apprendra rien. C'est ça, exactement. Puis c'est ça qui est l'aspect le plus dur pour l'homme qui s'en vient. C'est la destruction des femmes. C'est là que des hommes vont pouvoir aller par là, ou il y en a qui pourront pas aller. Il y en a qui vont sauter autrement dit. C'est toi qui dis, j'ai bien des élus, mais peu sont appelés. C'est ça que tu veux dire. Il y a bien des élus, mais peu de filles. C'est exactement ça qu'il veut dire. C'est exactement ce qu'il veut dire. Il y a bien des élus, mais il y a peu de filles. Ouais. Ah, c'est ça que tu as dit, que tu as envoyé ça. Ils ont toujours dit que beaucoup des gens étaient allés, mais c'est la même chose que beaucoup d'appliques, peu d'élus. Beaucoup d'appliques, peu d'élus, ça veut dire exactement la même chose que beaucoup d'appliques, beaucoup d'élus, peu d'appliques. Ah, bon, ok. Ah, ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. C'est pas différent. Ils ont échangé les mots. Les mots sont chers. Les femmes aussi. Mais en ce moment, les femmes aussi, t'as mis, c'est pas ton affaire. Automatiquement, tu y vas, puis tu le sais à un moment donné, intérieurement, mais. C'est comme ça que tu. C'est d'accord, mais pas si t'es appelé, tu sais, t'es c'est de l'esprit. C'est ça. Hé, regarde mon nom, je m'appelle Bernard. Puis c'est appelé Bernard. Il. Tu as un nouveau nom hein, quand tu es fusionné? Ah, oh, ben oui. Jean-Bernard, qu'est-ce que tu veux dire? C'est tranquille. Comment as-tu dit? Ils sont subtils, tu sais. Parce que tout ce qui nous venait avant, ça venait du monde des esprits. Mais quand c'est vu à travers eux autres, ça prend toujours une autre vibration. Tout le temps, tout le temps. Tu vois les choses un jour de fait? C'est oui. C'est pour ça qu'au début, je me rappelle, j'ai été une période là, où le contact était tellement fort que j'en venais à un point où j'étais tanné de toujours avoir raison. Là, je suis habitué. Ça me fait plaisir. Maintenant, ça me fatiguait. Ça devient fatiguant. Au début, tu n'es pas habitué toujours dans. Tu sais, là, tu es tanné, ça te crée une tension de toujours avoir raison. Puis avec le temps, mais tu t'habitues, ton corps s'ajuste, tes corps s'ajustent, tu t'habitues, c'est ça. Parce qu'ils ont toujours raison. Mais on a reçu beaucoup d'informations ésotériques qui occultent dans le monde des esprits. Là, je commence à voir comment faire un petit climat de la tête.